Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Il mesure 11 cm, pèse 150 grammes et chaque jour, il lave 300 fois la totalité de notre sang. Et ce n'est pas tout, nos reins jouent plusieurs rôles absolument cruciaux pour notre organisme. Nous allons nous intéresser dans un instant au fonctionnement et aux services insoupçonnés que nous rend cette paire d'organes avec le médecin néphrologue Gilbert Deray. Dans la revue d'actu vers 15h40, nous parlerons entre autres de la découverte d'un tombeau qui pourrait être celui de Romulus, le fondateur mythologique de Rome, et nous prendrons des nouvelles de la sonde Solar Orbiter partie observer notre Soleil. En deuxième heure, à 16h, nous mettrons le cap sur les archipels polynésiens pour plonger à la découverte des coraux avec deux membres de l'expédition Under the Pole 3, Laetitia Edouin et Guylain Bardou. Et puis en toute fin d'émission, nous nous intéresserons à la diversité des races des animaux d'élevage en France à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet avec l'aide de David Leprince et préparée par Rebecca de Nantes et Thomas Lehété. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. C'est là que commence le grand nettoyage. Nous, les vieux globules, on a déjà fait le parcours tant et tant de fois. Oh, tout va bien. Voyez, voilà le parcours du sang vers les reins. Ah, les reins, quelle merveilleuse usine. Purification du sang, filtrage des déchets, élimination des toxines, fabrication de l'urine. Quelle usine, mes amis, oh, quelle usine. Un extrait du dessin animé « Il était une fois la vie ». Bonjour Gilbert Deray. Bonjour. Vous êtes médecin, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous avez publié « Les pouvoirs extraordinaires du rein » aux éditions Fayard. Un livre très instructif et très accessible. Il m'a un peu fait penser au dessin animé « Il était une fois la vie » dont on vient d'entendre un extrait, car dans votre ouvrage, le narrateur, eh bien, c'est un rein, avec un prénom d'ailleurs, il s'appelle Valentin, et il nous raconte sa vie d'organe vue de l'intérieur du corps humain. Vous aviez envie de nous le rendre sympathique, ce rein. Oui, absolument. C'est tout à fait ça. D'abord parce que je l'aime. Hein. Ça fait 30 ans que je côtoie mon petit rein. Et puis, c'est un organe sympathique. C'est un organe qui est généreux, qui s'occupe de tout le monde, qui vous donne la liberté. Et puis, j'ajouterai autre chose. Je l'ai nommé aussi parce que ils nous parlent, nos organes. Ils nous disent des choses et on ne les écoute pas. Et il faut les écouter. Et donc, c'est pour ça que je suis... donner un nom que j'ai laissé s'exprimer. Ouais. Et puis vous aviez envie de nous le rendre sympathique parce que vous l'expliquez, parmi l'ensemble de nos organes, si on prend le cœur, le cerveau, le rein a une image beaucoup moins noble. On le méprise un peu. On le méprise totalement. C'est une longue histoire d'ailleurs parce que dans la Bible, il est cité 25 fois. C'est le siège de la sagesse, de l'intelligence et même de l'âme. Rappelez-vous, Dieu te jugera en sondant tes reins. Ça veut dire que l'âme est censée être dans les reins. Et il est tombé de son piédestal quand on a découvert qu'il formait l'urine. Alors évidemment, c'était beaucoup moins noble. Pourtant, oui, fabriquer l'urine est un travail déjà qui mérite notre respect, hein, parce que c'est un dosage, un filtrage fait de façon très fine et très intelligente. Alors ça, c'est très important. On fait pas comme ça du pipi. C'est pas une sorte de filtre où on verse de l'eau, une passoire. Non, non. Le rein, il est hyper connecté. Bien plus que vous tous qui êtes sur tous les réseaux. Il est hyper connecté avec tous les organes de l'intérieur. C'est une sentinelle. Il sait exactement ce qui se passe et il parle au cœur, au cerveau et aux autres. Et il se raconte des choses. Et en particulier, il se raconte ce qu'il faut éliminer. Si, par exemple, vous êtes dans le désert du Kalahari, vous perdez 3 litres d'eau par heure, si le rein ne réagit pas, et si le rein n'annule pas votre volume urinaire, vous allez mourir. À l'inverse, qu'est-ce qui vous permet de manger librement ce que vous voulez? Eh bien, c'est le rein. Parce que quand vous mangerez du sel, il va le mettre dans les urines. Quand vous mangerez trop de magnésium, il le mettra dans les urines. Et à l'inverse, si vous manquez de magnésium, de potassium ou d'autres choses, il va les retenir. Organe extrêmement intelligent. Et l'urine, c'est quelque chose de très fin qui permet la stabilité du corps. Mmh. Et c'est ça qui vous donne la liberté de vivre et de manger, d'aller dans le froid, d'aller dans le chaud et de boire 7 litres d'eau par jour. Vous en ferez pipi environ 6. Et ne pas boire du tout, vous ferez pipi que 200 cc par jour. Donc bien plus qu'un filtre, un filtre intelligent. C'est une usine ultra performante, ultra connecté, je l'adore. Ouais. Où sont les reins? Alors j'avais encore cette question hier. Une fois par mois, j'ai un patient qui vient me voir et qui me dit « Docteur, je viens de vous voir parce que j'ai mal aux reins. » Et en fait, au bout de deux secondes, la consultation va se terminer parce que quand il me montre, il a mal au bas du dos. C'est classique, hein, ce mal au rein en bas du dos. Ça, c'est la colonne vertébrale. Faut aller voir le rhumatologue. Le rein, il est beaucoup plus haut. Regardez, palpez votre dos, vous verrez, vous avez votre 12e côte, là. Eh bien, il est sous la 12e côte. Ouais. Et tout près de la colonne vertébrale. Donc, beaucoup plus haut que la crête sacrée qui est plus bas. Donc, quand vous avez mal au dos, c'est pas le rein. Le rein, c'est un organe qui est extrêmement silencieux et qui, en dehors de la colique néphrétique, le caillou dans les reins, ou de la pyélonéphrite, l'infection du rein, ne fait pas mal. Il est généreux et silencieux. On y reviendra à ces pathologies du rein. Alors, un organe, même s'il nous rend, on l'entend, de précieux services, tout petit, hein, 11 cm, 150 grammes et à peine. Alors, 11 cm, c'est pas grand, hein. Vous avez un côlon qui fait 8 mètres. Ouais. 150 grammes en moyenne, ben, c'est 10 fois moins que le cerveau. Eh bien, avec ces 11 centimètres et ces 150 grammes, alors on en rappelle qu'on en a deux quand même, hein, oui. Mais ça change pas grand-chose. Eh bien, avec ces toutes petites tailles, il est capable de filtrer des centaines de litres de votre sang tous les jours. C'est-à-dire 300 fois la totalité de notre sang par jour. C'est vertigineux. Hein, ah, c'est totalement vertigineux. Vous avez à peu près 6 litres de sang dans votre corps. Ouais. Eh bien, effectivement, ça va passer des centaines de fois par le rein. Et vous allez ainsi pouvoir filtrer en permanence cette usine qu'est le corps, parce que votre corps, en fait, il passe son temps à capter des choses qu'on lui a données et à produire des déchets. Il faut bien les éliminer, ces déchets. Et en plus, vous mangez, vous buvez. Donc si vous n'avez pas quelque chose, c'est le rein, les deux reins et le foie, qui en permanence va éliminer les déchets du corps. Mais votre corps, il ne va plus fonctionner. Alors le rein ne sert pas uniquement à fabriquer l'urine et à filtrer. C'est là où le titre de votre livre prend tout son sens, les pouvoirs extraordinaires du rein. En fait, il a des fonctions que l'on méconnaît totalement. Oui, totalement. En fait, tout le monde sait évidemment que le rein forme l'urine. On ne sait pas que c'est une usine ultra perfectionnée, mais alors ce qu'on ne sait pas du tout, c'est que il a trois autres grandes propriétés. La première, c'est qu'il fabrique une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine. Vous savez, cette fameuse EPO que les sportifs en mal de résultats s'injectent. Eh bien, cette EPO, en fait, elle permet de fabriquer les globules rouges. Alors, c'est pratique parce qu'on a plus d'oxygène. Donc, ne le faites surtout pas, hein, parce que ça augmente le risque cardiovasculaire. C'est le rein qui la fabrique. Et donc, si vous avez un rein qui est défaillant, vous n'avez plus d'érythropoïétine et vous avez une anémie. On doit vous transfuser ou alors vous l'injecter, puisqu'on peut l'injecter maintenant. Donc, anémie, manque de globules rouges. Manque de globules rouges, absolument. Donc, il fabrique l'hormone qui permet à la moelle osseuse de fabriquer les globules rouges. La deuxième propriété qu'il a, eh bien, c'est qu'il active la vitamine D. La vitamine D, elle est fabriquée dans la peau, sous l'action effectivement du soleil. Puis ensuite, elle va dans le sang et elle passe par le foie. Dans le foie, elle est activée une première fois, mais ça ne suffit pas. La deuxième activation qui la rend efficace, c'est le rein. Donc si vous avez un rein qui ne marche pas, c'est comme si vous aviez une carence en vitamine D. Or, la vitamine D, c'est ce qui met, entre autres, le calcium dans l'os. Donc si vous n'avez plus de vitamine D, vous risquez d'avoir une ostéoporose, de casser vos os. D'ailleurs, la vitamine D a bien d'autres bénéfices, hein, pour le cerveau, pour le cœur. Et enfin, le rein, c'est l'organe central de régulation de la pression artérielle. Parce que le rein, il va envoyer dans le sang des hormones qui vont faire que vos artères vont se dilater ou se resserrer, se constricter, comme on dit en médecine. Et puis c'est aussi l'organe qui va permettre d'éliminer l'eau et le sel. Or, plus vous avez d'eau et de sel, plus votre tension va monter. Par ces deux mécanismes, bah le rein, il va contrôler votre tension. Et s'il est malade, le plus souvent, à 90%, votre pression artérielle va être trop élevée. Alors, on a la composition du sang, la fabrication des os, la tension artérielle. Et s'ajoute à tout cela des services qui sont rendus par les deux glandes qui sont sur les deux reins qui les chapotent, les glandes surrénales. Et elles aussi, elles jouent un rôle formidable. Alors, elles sont toutes petites, ce sont deux petits chapeaux. C'est un schtroumpf, mon rein, que j'adore. Il est pas bleu, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Et il a donc deux petits bonnets, vous verrez, il y a des dessins dans mon livre, qui sont les surrénales. Or, les surrénales sont des glandes qui sécrètent des hormones extrêmement importantes. Alors, vous les connaissez, hein, par exemple le cortisol, l'hormone du stress, donc faut pas en avoir trop, mais si vous n'en avez pas du tout, vous êtes pas bien. Qui sécrète aussi une autre hormone qui s'appelle l'aldostérone, qui est extrêmement importante parce que elle va réguler totalement la sécrétion dans les urines du sodium et donc aussi la pression artérielle. Et les catécholamines, qui sont aussi des hormones du stress, sont des hormones qui jouent sur la pression artérielle. Donc les deux ensemble, rein et surrénal, ce sont des organes absolument essentiels dans le corps. Oui. Alors vous dites, ce sont des super-héros, mais ils ont un talon d'Achille. Ils sont exposés un peu en première ligne à de multiples agresseurs. Et oui, et parce que le rein, pour filtrer le sang, bah faut bien que le sang passe dedans. Et comme il passe dedans toute la journée, en permanence, et qu'il y revient, tout ce qu'il y aura dans le sang qui pourrait agresser le rein, eh bien, va y être. Certains déchets, comme la sidérurgie, par exemple, s'il y en a trop, des médicaments que nous prenons, comme les anti-inflammatoires, vous savez, ce Voltaren et ibuprofène qu'on vient de repasser derrière le comptoir. Excellente idée. Parce que c'est pas bon du tout pour le rein. Et il va être aussi en première ligne pour tout ce qui va agresser les artères, puisqu'il en a plein. Le diabète, l'hypertension artérielle, le tabac, l'obésité et tous les toxiques qu'on nous déverse en permanence sur la tête et dans l'atmosphère. Plastique, poussière, pesticides. Oui, le rein, ça va être un filtre de tout ça. Courageux, mais au bout d'un moment, il en a un peu marre quand même. Hein. Il accumule finalement. Il accumule. Alors, quand un rein s'abîme, ça a des effets pour les autres organes. Hein, complètement. C'est logique d'ailleurs, puisque le rein, il rend service. Il va faire en sorte que tous les organes puissent avoir les bons nutriments, pas trop, pas assez. Vous imaginez bien que si le rein fonctionne plus et que le sang n'est plus à l'équilibre et qu'il élimine plus normalement les déchets, les autres organes, ils vont pas être bien parce que ils vont avoir plus de déchets qu'ils ne voudraient et ils vont aussi s'abîmer. Par ailleurs, si, parce que le rein est malade, vous avez de la tension ne va pas abîmer que les artères rénales, elles vont abîmer les artères du cœur et les artères du cerveau. Ce qui veut dire, in fine, que quand vous protégez vos reins, vous protégez tout le corps, donc prenez soin de vos reins. Alors, il faut en prendre soin, d'ailleurs, on verra dans la suite de cette émission quelques conseils pour prendre soin de ses reins. Mais les symptômes qui doivent alerter, les signes que peut-être notre rein souffre. Alors ça, c'est difficile. Le rein, c'est un organe tellement silencieux que vous pouvez perdre jusqu'à 80-90% de votre fonction rénale sans rien sentir. Donc il n'y a pas de signes tellement spécifiques. Par contre, effectivement, il va falloir aller le vérifier dans certaines circonstances. Alors, si vous êtes fatigué, si vous avez une anémie, si vous avez des œdèmes, ça c'est extrêmement important. Si donc vous, des œdèmes, les chevilles qui gonflent, les yeux qui gonflent. Voilà. Les chevilles, c'est le soir, parce qu'en fait, l'eau et le sel se sont accumulés au cours de la journée quand on est debout. Et les paupières, c'est le matin, parce qu'on s'est couché, donc l'eau et le sel s'est accumulé pendant la nuit. Si vous avez des symptômes de cette nature, avec de la fatigue en particulier, il faut vérifier votre fonction rénale. Et à ce moment-là, vous verrez si votre rein fonctionne normalement. Et à part la colique néphrétique, ce caillou bloqué qui donne une violente douleur, bien c'est pas spécifique. Donc faut être prudent. Et quand le rein dysfonctionne, il arrive que l'odeur corporelle d'une personne change. Pour quelle raison ? Absolument. Eh bien parce que le rein, tout simplement, là encore, va permettre d'éliminer des déchets. Et si vous n'éliminez pas, par exemple, l'urée correctement, eh bien cette urée va s'accumuler. Et cette urée au niveau de la peau va vous donner effectivement une odeur, pas qu'au niveau de la peau d'ailleurs, mais au niveau aussi de la laine, une odeur qui est particulière. Pareil si votre peau vous gratte quand vous avez l'insuffisance rénale, c'est parce que vous avez trop de phosphore dans le sang. Alors, l'analyse de l'urine est un moyen d'avoir plein d'informations sur l'état de santé de cet organe silencieux qu'est le rein. Alors, je vais me permettre de dire à cette heure de la journée que l'urine, j'adore aussi. Allez-y. C'est pratique, l'urine. Parce que, en fait, le rein, c'est le seul organe ouvert sur l'extérieur. Il n'y a pas de pipi du cœur. Il n'y a pas de pipi du cerveau. Ce serait pratique, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on pourrait tout de suite vous dire, comment il va, votre cerveau? Eh bien, le rein, il a un liquide qui s'écoule de l'huile et qui vous permet de savoir comment il va. C'est extrêmement pratique. Mais alors, vous dites, on devrait prendre le temps de sentir son urine, connaître l'odeur de son urine quand on est en bonne santé. On fait pipi 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, jetant un coup d'œil. Votre urine, normalement, elle est jaune, assez transparente et elle n'a pas d'odeur. Et bien sûr, quand vous faites pipi, vous n'avez pas mal. Voilà, ça c'est votre urine normale, regardez. Alors ça va être plus ou moins variable si vous buvez plus ou moins. Donc après, si vous voyez des anomalies, réagissez. Par exemple, si elle est rouge ou orange, c'est soit que vous avez du sang dans les urines, ce qui nécessite des examens, ça. Soit que vous avez mangé des légumes ou des fruits particuliers qui peuvent colorer vos urines. C'est le cas de la betterave, c'est le cas de la betterave. Donc ça, c'est moins grave. Si jamais on a mangé de la betterave, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Si vous avez mangé de la betterave et qu'elle est un peu rouge, vous attendez 2-3 jours, si elle reste colorée, vous voyez le médecin. Le sang dans les urines, ça n'est pas normal. Pareil, si votre urine est très foncée, alors le plus souvent, ça veut dire que vous n'avez pas assez bu. C'est le cas des urines du matin. Pourquoi vous ne levez pas la nuit? Parce que votre rein, il est tellement sympathique qu'il concentre les urines pour vous éviter de vous lever. Mais comme elle est concentrée, eh bien, elle est plus foncée le matin. Il suffit alors de boire et elle va redevenir normale. Ça peut être aussi le signe d'une infection urinaire. Et en général, elle est alors associée à une assez mauvaise odeur. Et on peut avoir des infections urinaires sans signe, sans que ça brûle dans les urines. Et puis, vous avez des odeurs. Ça, c'est un classique. Si votre urine sent fort, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, le classique, c'est l'asperge, qui vous donne des urines comme ça. Il y a certains médicaments, comme des antibiotiques, comme des vitamines B6, B12. Et puis, l'infection urinaire, là encore. Donc oui, regardez vos urines. Et quand elles ne sont pas normales, réagissez. Et si ça mousse? Alors, si ça mousse, ce sont des protéines. Si votre urine mousse beaucoup, il faut aller demander au médecin, mettre une petite, au pharmacien même, une petite bandelette dedans. Et s'il y a de l'albumine, allez voir le médecin. Ouais. C'est un problème, s'il y a de l'albumine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient parce que normalement, votre urine n'a pas d'albumine. Le rein ne laisse pas passer l'albumine. L'albumine, c'est une grosse molécule qui donc peut pas traverser la membrane du rein. Il y a des tout petits trous dans la membrane du rein, mais tout petits. Donc, si elle passe, ça veut dire que votre membrane rénale n'est pas normale. Voir un médecin. Alors, il est utile de porter attention à son urine, mais de là à la boire, il y a un pas que certains ont franchi. On parle d'urinothérapie. Voici le témoignage de quelques adeptes aux États-Unis. Ça, c'est mon verre de santé quotidien. Ce matin, j'avais un petit mal de tête et comme d'habitude, j'ai bu mon urine. Et 7 minutes après, mon mal de tête avait disparu. J'ai subi une chirurgie de l'œil qui s'est infectée. J'ai mis 2 gouttes d'urine sous ma langue et ça a vraiment marché. Ma fille est asthmatique depuis qu'elle a 12 ans. J'ai utilisé l'urine plusieurs fois quand elle a fait des crises. Ça l'a beaucoup aidée et ça les a stoppées. Gilbert de Rais, ça a l'air un peu anecdotique, mais en fait, c'est une pratique beaucoup plus répandue qu'on ne pourrait le penser. Des millions et des millions de personnes pratiquent l'urinothérapie. Soit ils la boivent, soit ils la mettent sur la peau. Et vous avez des stars, comme Madonna, elle le dit, donc c'est pas confidentiel, qui fait pipi sur ses ongles quand elle a des mycoses sur les ongles parce qu'elle pense que ça les guérit. Bon, alors, est-ce que c'est une bonne idée? Soyons clairs, c'est une très mauvaise idée. Je respecte tout à fait les témoignages que je viens d'entendre, comme je respecte toujours ce que disent mes patients ou les gens autour de moi. Mais c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ils font ça? Parce que ils pensent que dans l'urine, il y a des choses favorables. Et pourquoi y aurait-il des choses favorables? Bien parce que dans les urines, on aurait mis des minéraux, des vitamines que le corps n'a pas gardées. Alors, première erreur, si le corps n'a pas gardé ses vitamines et ses minéraux, c'est qu'ils sont en trop. Le corps, c'est un organe intelligent. Et le rein, super intelligent. Donc quand le rein met dans les urines du sel, du potassium, de la vitamine D, de la vitamine C, c'est que vous en avez assez dans le corps. Et attention, l'excès de vitamines ou de minéraux, c'est aussi toxique que le manque de vitamines ou de minéraux. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que ça contient tous les déchets. Vous voulez donc vous auto-intoxiquer avec vos déchets. Et la troisième raison, c'est que ça peut contenir des germes. C'est une mauvaise idée qui est dangereuse et j'ai été regardé de près, bien entendu. Il n'y a pas la moindre preuve du début d'efficacité dans aucune indication. Je vous déconseille de le faire. Le seul cas où vous dites éventuellement, c'est en situation extrême, après un naufrage au milieu du désert, plutôt que de mourir de soif. Ça a sauvé quelques vies. Hein. Ouais. Vous vous souvenez de ce monsieur qui avait le bras écrasé, qui est revenu en se coupant le bras tout seul, il y a quelques années de ça. Il a survécu en buvant ses urines. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas vivre sans boire plus de 4 jours. Et sans manger, plus de 40 jours. Donc, si vous êtes bloqué pour plus de 4 jours, si vous ne buvez pas vos urines, vous allez mourir. Donc, c'est le seul cas, effectivement. Ouais. Alors, il y a d'autres arnaques comme ça, dont vous parlez, les cures détox. Totalement inutiles. C'est du business pur, ça rapporte des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Là encore, pas la moindre preuve d'efficacité que ça fasse quoi que ce soit. Nous avons deux reins. Nous avons un foie. Ce sont deux organes exceptionnels qui font la détox. Et donc, aucune pilule ne fera un travail équivalent à ces détox. Et puis il y a d'autres problèmes. C'est le principe même de la détox qui me plaît pas. On va vivre pas bien pendant 360 jours et faire 5 jours de cure de détox en espérant effacer les jours? Non. Et puis je vais vous ajouter autre chose, de façon systématique. Tous ces compléments alimentaires, ne les prenez pas. Ils ne servent à rien. Certains sont franchement toxiques. Et enfin, quand on va vérifier ce qu'il y a dedans, on va trouver dans un certain nombre d'entre eux des produits qui n'ont rien à y faire. Des pesticides, des médicaments, pas à la bonne dose, trop de doses. D'ailleurs, sur les compléments alimentaires, vous citez un exemple en Belgique, en 1990, des gélules qui venaient de Chine avec, on avait mis à l'intérieur pas la bonne plante, on s'était trompé de plante, et résultat, 100 femmes se sont retrouvées dialysées à vie après avoir pris ces compléments alimentaires. Un drame, hein. Alors, pas des compléments en plus venant d'une firme qu'on connaissait pas, hein. C'était d'une firme tout à fait pignon sur rue, mais qui se fournissait son principe actif en Chine. Et ils sont tout simplement trompés de nom pour le principe actif. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas vérifier. Et ce principe actif, c'est un produit, une herbe qui est extrêmement toxique, qui les a mis en dialyse et en plus leur a donné un cancer. Pour compléments alimentaires, c'est simple. Ne le faites pas sauf indication médicale précise. Il y a d'autres idées reçues concernant les reins et notamment au sujet de l'eau qu'il faut boire et de la quantité d'eau qu'il faut boire. Nous allons avoir l'occasion d'en parler avec vous, Gilbert de Rais, dans la suite de cette émission. Du vent dans les synapses jusqu'au creux de nos reins cet après-midi. France Inter. Du vent dans les synapses. Je n'ai jamais caché mon corps sous des voilures opaques. Je n'ai jamais dû me courber. Je n'ai jamais tremblé de peur au son d'un parquet qui craque. Jamais dû me planquer. Je n'ai jamais connu la guerre ni la mort sur du froid. Jamais la faim qui ronge les doigts. Et pourtant chaque jour je sens monter la plainte sans joie. Oh, mais tais-toi. Ma nature n'a pas de repos quand tout sourit. C'était Jeanne Chéral, Fleur de peau. J'ai un voisin qui s'appelle Tintin, le bon garçon, il est à froid de peine. Figurez-vous que depuis 3 semaines, de douleur, il est atteint. Lui qui t'entend aimer les cocktails, les bons vins et la bonne chère, maintenant il ne bouffe que des pommes de terre et il saoule à l'eau de vitelle. C'est bien fait, ça y apprendra à faire la nouba. Il avale au ratata, au ratata, au ratata. Il avale où ça le fait qu'un au ratata. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Il a mal au rein, Tintin, chanté par Suzanne Dehely en 1937. Les pouvoirs extraordinaires du rein, tel est le titre du livre que publie aux éditions Fayard notre invité Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière. Dans le langage populaire, on parle parfois de douleurs au rein. Vous nous l'avez dit, qui n'ont rien à voir. Souvent, ce sont les lombaires, le bas du dos. Oui. Les reins ne sont pas là. Mais il arrive quand même que l'on souffre des reins dans des cas bien précis. Les coliques néphrétiques, par exemple. Ces fameuses couleurs, celle-là, tout le monde les connaît. Parce que le plus souvent, on a extrêmement mal. C'est en fait une des douleurs les plus violentes qui puissent exister. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à un obstacle qui va empêcher les urines de s'écouler. Et donc, vous avez un caillou, souvent, pas forcément, ça peut être aussi du sang, ça peut être malheureusement une tumeur, qui vient bloquer l'écoulement de vos urines dans vos voies urinaires. Donc, entre le rein et la vessie, vous avez des petits tuyaux, les urtères, là. Donc, ça se met dedans, ça bloque. Les urines se distendent. Et ça, ça fait mal. Très, très mal. Donc, cette colique néphrétique, quand elle survient, là, pour le coup, vous savez que c'est les reins qui font mal. Elle est assez caractéristique. Ouais. Et alors, cette douleur est très aiguë lorsque ce sont des petits cailloux. Alors, ça peut être du sang, ça peut être une tumeur. Souvent, c'est un caillou, quand même. Le plus souvent, c'est un caillou. Mais il est fait de quoi? Il est fait, en fait, de produits qu'on a tous dans le sang. Il est fait d'acide urique, il est fait de calcium, il est fait de phosphate, il est fait de magnésium. Et en fait, ces composés qui, normalement, se dissolvent dans les urines sont là en quantité trop importante. Avec un volume d'urine ou un environnement autour qui est plus capable de les dissoudre, c'est le principe du pâté de sable. Et il forme un obstacle, un petit caillou qui vient bloquer l'écoulement des urines. Et alors comment on s'en débarrasse de ce petit caillou? Alors il va falloir s'en débarrasser, ça c'est sûr. Parce que si vous gardez un caillou qui bloque vos urines, bah vous allez abîmer votre rein au-dessus, il va plus fonctionner normalement. Soit il part tout seul assez vite, ça fera un peu mal, mais ça peut partir tout seul. Soit on vous le casse. Alors vous connaissez évidemment la lithotripsie extracorporelle, ouais, qui consiste avec des faisceaux d'ultrasons, aller casser votre petit caillou qui va se fragmenter en petits morceaux et qui va s'écouler. La deuxième méthode, qui est de plus en plus employée, c'est qu'on va aller le chercher. On va passer par les voies naturelles, par le pénis ou par le vagin et l'urètre plutôt chez la femme, et on va monter une sonde et on va aller le prendre avec une petite pince et on va l'enlever. C'est et douloureux là où on est anesthésié? Non, honnêtement, c'est pas très douloureux et on vous fait une petite anesthésie. Il y a des risques de récidive. Lorsqu'on a fait une fois un petit caillou comme ça, est-ce qu'on a des risques que ça recommence? Très fréquent. Si on ne fait rien, vous avez toutes les chances de récidiver. Alors après, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez une maladie rénale ou générale. Vous avez une glande qui dysfonctionne, comme vos parathyroïdes, qui vont vous faire sécréter taux de calcium. Vous avez un rein qui travaille pas normalement. Et là, c'est tout un autre champ, c'est pas le plus fréquent, on va le mettre de côté. Soit en fait, c'est parce que votre mode de vie est inadapté. C'est ce qu'on appelle le caillou métabolique de la cinquantaine ou de la soixantaine. Alors vous avez pris un peu de poids, vous mangez n'importe quoi, vous êtes sédentaire, vous avez pris un peu de ventre, un peu trop de stress. Et n'étant plus à l'équilibre, vous avez alors trop de minéraux dans vos urines qui ne devraient pas y être et pas assez d'eau dans vos urines qui devraient y être. Et là, la prévention, c'est simple, c'est le mode de vie. Et si vous le faites, vous avez de très grandes chances de ne pas récidiver. Il y a beaucoup d'insuffisance rénale dans nos sociétés aujourd'hui, avec nos modes de vie, justement, parfois pas très sains. L'insuffisance rénale, globalement, est très fréquente. Aux États-Unis, par exemple, c'est 13% de la population. Ouais. Si vous rapportiez ça en France pour 70 millions, ça vous en fait 9 millions. Alors, j'ai pas de chiffres précis, parce qu'il n'y a pas d'enquête précise, mais ce sont des millions et des millions et des millions. Et l'immense majorité sont liés effectivement au mode de vie, avec l'explosion du diabète, de l'obésité, de la sédentarité, de l'hypertension. Ce qui est assez extraordinaire, pour reprendre votre titre, les pouvoirs extraordinaires du rein, c'est qu'un rein qui fonctionne à 10% de ses capacités initiales remplit encore ses fonctions et fait peu parler de lui. Alors, à moins de 10%, vous êtes en dialyse ou transplanté. Ouais. Ça, c'est clair. Au-dessus de 10%, vous êtes ce que je vais appeler autonome par rapport à la dialyse de la transplantation. Alors, il faudrait pas non plus que je fasse passer le message, oui, que c'est pas grave d'abîmer les reins et encore et encore. Non. il faut protéger vos reins. Ça, c'est clair. Ne tombez pas à 10%. L'avantage, c'est que si vous avez une insuffisance rénale, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui ont une insuffisance rénale, et que vous avez 20%, 30%, 40%, 50% de votre fonction rénale, faites bien la prévention. Et vous vivrez très longtemps en pleine forme. Alors, malheureusement, quand on arrive à une activité du rein en dessous des 10%, là, c'est la dialyse. Ça consiste en quoi exactement la dialyse ? Alors, d'abord, la dialyse, ça remplacera pas le rein que j'ai. Pourquoi ? Parce que le rein, c'est tellement particulier, tellement intelligent qu'on peut pas tout faire. La dialyse, ça va en fait laver votre sang à la place du rein. Mais ça donnera pas de vitamine D, ça donnera pas d'érythropoïétine. Donc ça reste une machine pour l'instant. Toutes ces autres fonctions que nous avons données en début d'émission et qui sont aussi assurées par un rein exactement. Qui fonctionne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous injecter de l'érythropoïétine si vous avez une insuffisance rénale et je vais vous donner des ampoules de vitamine D. Et puis ça va évidemment pas réguler la pression artérielle de la même façon. Donc je vais vous dialyser. Puis après il y a deux grandes techniques. Il y a l'hémodialyse, la dialyse péritonéale. Alors la plus connue c'est l'hémodialyse. 3 fois par semaine pendant 4 heures, votre sang va être sorti de votre corps, va passer dans une machine et je vais vous le restituer lavé. 3 fois 4 heures par semaine, pas moins. C'est là où on comprend quand vous disiez c'est un organe qui nous donne la liberté, l'autonomie. C'est quand on ne l'a plus qu'on se rend compte effectivement que c'est très handicapant de devoir faire ces séances de dialyse. Et comme souvent, c'est quand on perd qu'on réalise ce que nous avions. Et bien sûr, c'est que 3 fois 4 heures ne vous donne pas la même liberté qu'un rein. Vous êtes par exemple obligé de vous limiter dans les boissons puisque un jour sur deux, je ne peux pas éliminer votre eau. Vous ne faites plus pipi quand vous avez une insuffisance rénale de ce niveau-là. Et puis, vous allez être obligé aussi de vous limiter sur certains aliments. Donc, vous n'aurez pas du tout la même liberté que lorsque vous avez un rein qui fonctionne normalement. Ça permet de vivre correctement. Ça n'a évidemment rien à voir avec une fonction rénale qui est normale. Alors, l'alternative à la dialyse, c'est la greffe. En France, la première greffe a été réalisée en 1959 avec 2 frères jumeaux. Et la célèbre émission 5 colonnes à la une s'en était fait l'écho à l'époque. André et Georges Siméon sont devenus, sans le vouloir, simplement les héros d'un miracle de la médecine. C'est la première fois en France, en Europe même, que la greffe d'un rein réussit. Mais cette victoire, la médecine ne l'aurait pas remporté si votre frère jumeau André, n'avait pas accepté de se priver d'un rein pour vous. Depuis 2 ans, vous alliez très mal, mais vous ne saviez pas que vous étiez aussi malade, n'est-ce pas ? Non, c'est-à-dire que mon état, je le connaissais, je savais très bien que j'étais malade. Enfin, j'espérais quand même vivre assez longtemps pour élever mes enfants. Le professeur m'a dit que mon mari était perdu, qu'il n'avait que quelques mois à vivre. André Siméon, lorsque votre belle-sœur est venue vous voir un soir du mois d'avril dernier et qu'elle vous a dit que votre frère n'en avait plus que pour quelques semaines à vivre, qu'est-ce que vous avez fait ? Je ferai tout pour sauver mon frère. Vous n'avez eu aucune hésitation ? Oh, aucune. La première fois, j'ai eu aucune hésitation. Tout ce que j'avais, c'est sauver mon frère à tout prix. Nous étions en 1959 dans l'émission 5 colonnes à la une. Gilbert de Rais, cette première greffe de rein en France a été un succès. Elle a prolongé la vie de André Siméon de 26 ans. Je voudrais réagir face à ce, ça, parce que on regarde ça comme de l'histoire, mais à l'époque, on ne pouvait absolument pas savoir si, pour celui qui donnait, s'il allait vivre normalement, alors qu'on sait maintenant qu'on peut donner un rein en vivant normalement pendant tout le reste de sa vie. On ne pouvait pas du tout savoir si ça allait fonctionner pour celui qui allait recevoir. Et ce que, à l'époque, il ne savait pas, c'est que ça a fonctionné parce que c'était un jumeau. Il n'y avait pas du tout de notion d'immunologie. On lui aurait transplanté le rein de la cousine, il ne l'aurait pas gardé. Toutes ces notions n'étaient absolument pas connues. Donc ce sont des pionniers qui, comme les découvreurs du vaccin, inventent quelque chose sans la notion scientifique. Alors qu'à l'heure actuelle, on n'invente plus rien sans avoir les notions scientifiques. Ils sont exceptionnels. Exceptionnel. Alors maintenant, bien sûr, la transplantation rénale est, on va dire, banalisée. Et on essaie toujours de transplanter un patient quand il peut être transplanté. Donc si son état de santé le permet, cardiovasculaire en particulier, pas de cancer bien sûr, on va le transplanter. Et l'âge n'est plus tellement un problème. Il fut un temps où 50 ans c'était un problème. Moi, transplanter un patient à 70 ans, ça ne me pose pas de problème. La durée de vie d'un greffon, c'est en moyenne de 12 ans. Alors, ne croyez pas qu'au bout de 12 ans, il n'y aura plus rien, parce qu'on peut vous retransplanter. Ça, c'est un greffon qui vient d'un donneur non vivant, un accident de moto, un accident de voiture. Et si c'est un donneur vivant, car on peut prélever un rein chez un proche, la moyenne, ce sera 16 ans. Et si c'est un jumeau identique, ad vitam aeternam. C'est pas un problème pour le donneur, quand il est encore vivant, de se séparer d'un de ses deux reins. Il aura une vie tout à fait normale après. Alors, c'est une question extrêmement importante. Et bien entendu, pour nous qui prélevons les reins, on se pose la question à chaque fois qu'on doit le faire. D'abord, on s'assure de certaines choses. Il faut qu'il ait aucune maladie physique, aucune maladie mentale. Et on vérifie avec des entretiens, avec un psychiatre, que la personne sait ce qu'elle va faire, qu'elle n'est pas en situation ni de soumission, ni de stress. Et on prend notre temps. Ça, c'est très important. On prend notre temps pour les deux. Pas juste pour le receveur, mais pour le donneur aussi. Deuxièmement, on sait qu'effectivement, on peut vivre des dizaines et dizaines d'années sans problème. Donc on sera dans une situation de rein unique chez quelqu'un en pleine santé. Alors il faut quand même que cette personne en pleine santé prenne soin d'elle. Et donc oui, moi je vais demander à cette personne en pleine santé de garder une activité physique, d'avoir la bonne nutrition, de pas me faire des sports violents qui pourraient lui abîmer le rein restant. J'ai pas envie qu'elle me fasse demain du karaté toute la journée par exemple. Mais oui, c'est tout à fait faisable. Oui. Alors de façon plus générale, venons-en justement aux bonnes pratiques. Vous nous avez convaincu de l'intérêt de ce rein. Comment en prendre soin? Déjà, qu'est-ce qu'il faut manger? C'est quoi le régime adapté? Alors vous faites là encore dans votre ouvrage, vous parlez du régime alcalin en disant arrêtez ces régimes. C'est plus dangereux qu'autre chose. Alors, c'est simple. D'abord, une nouvelle fois, quand on prend soin de son rein, on prend soin de son corps. Donc, tout ce que je vais vous dire, ça vaut pour tout. Deuxièmement, le régime, c'est pas une restriction comme ça a été fait. Non, le régime, c'est juste un mode de nutrition. Et celui qu'il faut prendre, c'est régime méditerranéen. Il est extraordinaire. Le nombre de publications sur les avantages médicaux, sur les effets sur les organes, le cerveau et le reste sont innombrables. Donc, régime méditerranéen, dont vous trouvez le détail facilement dans mon livre, mais aussi partout. Vous le savez, c'est l'huile d'olive, c'est le poisson, mais c'est beaucoup d'autres choses. Faites le pack pour vos reins. Faites-le pour votre cerveau, faites-le pour votre cœur. Je me répète, exceptionnel. Ne pas manger trop salé. Qu'est-ce qui se passe quand on mange trop salé pour notre rein? On a dit qu'il filtrait, qu'il arrivait à concentrer le sel excédentaire dans les urines, mais quand même ça l'abîme à force. Il y a des choses qui me mettent en colère dans cette société. Ça ne se sent pas, mais c'est entre autres le sel. Ouais. Nous vivons dans un environnement incroyablement salé. La recommandation, c'est 5 grammes par jour. La moyenne en France, c'est 9 à 10 grammes, le double. Et dites-vous bien que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à 15, vous êtes à 20. Et donc oui, il faut diminuer nos apports en sel. Alors voilà mon conseil simple. Vous enlevez la salière de la table. Ne la faites pas. Moi, je dis aux gens qui m'entourent, si vous laissez vos enfants utiliser la salière, c'est comme si vous leur disiez à table, tiens, fume-toi une petite cigarette, mon petit, s'il te plaît. C'est aussi toxique que le tabac. Et puis, idéalement, ne salez pas vos aliments quand vous faites la cuisine. Mettez des épices. Alors, je sais qu'il y a des cuisiniers qui vont me dire, mais c'est pas vrai. Mais moi, je vous le dis, c'est vrai. Et comme vos papilles vont se renouveler, au bout de 3 mois, vos nouvelles papilles n'auront plus le goût du sel. Elles n'en voudront plus. Et le sel, contrairement au sucre, n'est pas addictif. Allez-y. Le sel, c'est un grand toxique. On n'en veut pas. Quelle eau faut-il boire? Alors, l'eau du robinet en bouteille d'eau minérale ou les carafes filtrantes? Vous tranchez le débat dans votre ouvrage. Je commence par la fin, c'est l'eau du robinet, il n'y a pas photo. L'eau en bouteille, elle coûte 200 à 500 fois plus cher. Alors, est-ce qu'elle est meilleure pour ma santé? Non, il n'y a rien dedans qui serait meilleur pour ma santé. Les minéraux qu'il y a dedans, pour la plupart, il n'y en a pas. Certains me gênent, comme justement le sel. Et pour celles qui en ont, je peux les remplacer par les aliments facilement. Et ce qui m'ennuie beaucoup, moi, avec les bouteilles plastiques, c'est que c'est 90 milliards de bouteilles plastiques pour juste les eaux minérales, pas les coca et le reste, qui pourrissent la planète. Et messieurs, mesdames, vous avez des fibres dedans. Donc quand vous buvez de l'eau minérale en plastique, vous mangez des fibres de plastique. Quant à l'eau en carafe, filtrante, elle ne sert à rien du tout. Elle ne filtre que le calcium et la goutte de chlore. Et la goutte de chlore est absolument nécessaire pour l'effet antibactérien. Vous allez me dire, mais j'aime pas le goût de la goutte de chlore. Bah, c'est simple, vous prenez votre eau du robinet, vous la mettez 1 heure au frigo dans une bouteille en verre, et vous n'avez plus le goût du chlore. Et donc, un, elles ne servent à rien. Deux, elles ont 2 inconvénients. Le premier, elles enlèvent le calcium. Mais j'en ai besoin, moi, de mon calcium de l'eau du robinet pour ma santé. Et le deuxième problème, c'est que comme vous avez enlevé la goutte de chlore, bah, qu'est-ce qui va persister? Et les bactéries. Bon, très bien. Le débat est tranché. Et alors, quelle quantité d'eau il faut boire par jour? Il y a ce célèbre slogan qui date un peu maintenant, mais qu'on a encore en tête. Buvez, éliminez. Cette idée que plus on boit, plus on va se purifier. Alors, boire beaucoup, ça ne sert à rien, ça ne protège pas les reins, ça vous fera pas maigrir. Le seul qui va en profiter, c'est celui qui vous vend les boissons. Donc tout ce que vous boirez en plus de ce dont vous avez besoin, vous allez le mettre dans vos urines, ça retournera dehors, on vous le mettra dans des bouteilles et on vous le vendra. Donc non, vous buvez à votre soif. Bien entendu, il y a des circonstances particulières. Premièrement, s'il fait très chaud, bah vous faites attention quand même. Vous buvez un peu plus et vous anticipez soit l'effort, soit la chaleur. Donc un verre ou 2 verres avant, 1 ou 2 verres après. La moyenne par jour, c'est de l'ordre de 1,5 litre. La deuxième circonstance particulière, c'est les sujets dépendants ou âgés. Le sujet dépendant qui n'a pas accès à l'eau, faites attention qu'il ait toujours de l'eau près de lui ou donnez-lui. Et le sujet dit âgé, eh bien c'est quelqu'un qui peut perdre la sensation de soif. Veillez à ce qu'il boive 6 à 8 verres par jour. Mais beaucoup, ça ne sert à rien. Allez, un dernier chiffre. Dans une vie d'humain, en moyenne, on produit 60 000 litres d'urine. C'est ce qu'on apprend dans votre ouvrage. Et alors, il y a une lueur d'espoir, finalement, dans votre livre, parce que ces 60 000 litres d'urine produites par chaque humain pourraient être une source d'énergie de demain. Oh, merci de pouvoir dire que le rein est l'avenir de l'humanité. Oui, c'est un peu ça. Je n'ai pas beaucoup l'occasion de le caser, celui-là. Donc, le rein fabrique, donc, multipliez ça par 7 milliards, hein, vous faites le calcul, vous allez voir combien ça donne. Vous avez plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que dans le rein, vous avez des déchets fertilisants. Donc, les urines pourraient être des fertilisants. Alors, vous prenez vos urines, vous les diluez au dixième et vous arrosez vos plantes avec. Mais pourquoi ne pas imaginer des usines de retraitement qui nous feraient des déchets qui seraient par des pesticides? C'est absolument indispensable. Par ailleurs, vous avez de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est une ressource énergétique. Et vous avez plus d'hydrogène dans les urines que dans l'eau. Donc, on peut parfaitement imaginer. Alors, moi, je suis pas un scientifique pour savoir comment on va le faire. Mais il y a déjà des gens qui essayent de le faire, des scientifiques, hein, qui essayent de le faire. Imaginez donc des usines qui retraiteraient les urines pour en faire de l'énergie. Et alors que les urines, à l'heure actuelle, pour les retraiter, nous coûtent très cher, ça coûte 1 à 2% de l'énergie que nous dépensons. On pourrait en faire une source énergétique. Et alors, moi, j'imagine assez facilement demain que lorsque vous irez faire pipi dans vos WC, eh bien, vous allumerez vos lumières. Oui. Si l'urine devient la source d'énergie du 22e siècle, nous considérons peut-être nos reins avec toute l'admiration qu'ils méritent. En tout cas, c'est votre souhait. Et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de le dire. Merci Gilbert Deray. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les pouvoirs extraordinaires du rein, aux éditions Fayard. Merci à vous. Merci. À 16h, nous plongerons à la découverte des coraux de Polynésie et dans un instant, la revue d'actu avec notamment la découverte d'un tombeau à Rome qui met en émoi les archéologues. C'était Sundown, Bruce Springsteen sur France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et autour de la table pour la revue d'actu cette semaine, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace et Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Maintenant, il faut délimiter l'enceinte de la ville. C'est à toi de le faire, Romulus. C'est la première tâche d'un roi. Au nom des dieux immortels. Moi, Romulus, je me proclame roi de cette cité. Mathieu Novak, on aurait retrouvé le tombeau de Romulus, le mythologique fondateur de Rome. Oui, c'est encore au conditionnel, mais effectivement, hier, la directrice du parc archéologique du Colisée, Alfonsina Russo, a annoncé une découverte qu'elle a qualifiée elle-même d'exceptionnelle. Il s'agirait d'un mystérieux tombeau qui remonterait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous connaissez sans doute l'histoire des légendaires fondateurs de Rome, Rémus et Romulus, racontés par de nombreux auteurs comme Tite-Live ou Plutarque. Eh bien, ces deux jumeaux avaient été abandonnés à la naissance dans un panier sur le Tibre et allaités par une louve qui est devenue ensuite le symbole de la ville. À la suite d'une dispute, Romulus aurait tué Rémus. Peut-être justement à un moment où il fallait délimiter les contours de la ville. Et c'est comme ça que Romulus aurait donné son nom à la ville, baptisée Rome. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si cette histoire, elle est vraiment une histoire de deux frères qui ont vraiment existé ou la vie de personnages mythiques. Or, ce tombeau serait justement lié à Romulus. Il a été découvert sous terre, dans le forum romain, au cœur de l'ancienne cité. Il aurait été creusé à même la roche, sous la curie, c'est-à-dire le lieu où se réunissaient les sénateurs pour discuter de toutes les affaires administratives ou religieuses. Le tombeau y contient un élément circulaire, sans doute un autel, et un sarcophage long d'1m40, mais hélas, ce sarcophage, eh bien, il est vide. Alors, comment sait-on qu'il y aurait un lien avec Romulus? C'est qu'il se situe à seulement quelques mètres d'une célèbre stèle en tuf. Le tuf, c'est une pierre volcanique qui a été découverte sur le forum en 1899 et que les Romains associent depuis à Romulus. Cette stèle, donc, elle est encore plus ancienne que le forum et elle a dû faire partie d'un lieu de culte qui était utilisé au 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ. On l'appelle le lapis niger. Elle est couverte de l'une des plus anciennes inscriptions latines que l'on connaît et elle fait référence à un roi. Mais alors, quel roi? Il y a plusieurs théories, mais il ne fait pas de doute que c'était un personnage important parce qu'il était interdit à cette époque d'enterrer quiconque à l'intérieur des limites de la ville. Et quand le site a été fouillé à la fin du 19e siècle, l'archéologue Giacomo Boni avait déjà émis l'hypothèse que le forum abriterait peut-être un monument en l'honneur d'un personnage célèbre, et en l'occurrence le fondateur de la ville. En tout cas, pour Alfonsina Russo, qui pilote les recherches actuelles, c'est d'après les sources historiques l'emplacement le plus probable de la tombe de Romulus, si celle-ci a jamais existé. Est-ce que cette découverte est de nature à nous en apprendre plus sur l'existence de ce personnage légendaire? En fait, Romulus, il aurait pu avoir été tué par des sénateurs. Une version de sa mort rapporte que son corps aurait été démembré et que les différents morceaux auraient été éparpillés à travers la ville, d'où l'absence de cadavres et peut-être de tombeaux. Ah, oui. Mais il y a d'autres récits, comme celui de Varron au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui rapportent bien l'existence d'une tombe en ce lieu. Dans tous les cas, qu'il ait existé ou non, Romulus est devenu le symbole de la fondation de Rome, donc l'existence d'un lieu de culte n'est vraiment pas aberrante. Et maintenant, en tout cas, les scientifiques vont avoir de quoi débattre. L'histoire ne fait que commencer, on en reparlera. Et on peut trouver un article sur le sujet sur le site de Science et Avenir. Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet? 17. Soleil de mes fesses. Vous savez pas ce que c'est que le soleil? Vous l'avez jamais vu, vous? Allez, le soleil! C'est ça, le soleil. Jean-Paul Belmondo dans Un singe en hiver, et c'est justement parce qu'on voudrait en savoir plus sur ce qu'est notre Soleil que la sonde Solar Orbiter s'en approche, Philippe Hénarejos. Oui, et le 13 février, trois jours après son lancement réussi, cette sonde Solar Orbiter a envoyé ses premières mesures. Alors l'engin a déplié un bras de 4,40 m de long, au bout duquel se trouve l'un des 10 instruments scientifiques qu'elle comporte, c'est un magnétomètre. Alors cela sert à mesurer le champ magnétique, et c'est l'une des données essentielles de cette mission qui doit rendre compte de l'influence du Soleil sur les planètes et tout spécialement la Terre. Et que disent les premières mesures alors? Pour l'instant, pas grand-chose, mais quand même, les scientifiques ont déjà confirmé qu'ils avaient eu une bonne idée en plaçant ce magnétomètre au bout d'un bras, car entre les mesures réalisées avant le déploiement de ce bras et celles faites après, ils ont noté une différence sensible. Le champ magnétique est bien moins fort au bout du bras. Alors c'est tout simplement qu'avant le déploiement, ils mesuraient surtout le champ magnétique généré par le vaisseau spatial et non celui du Soleil lui-même qui est plus diffus. Mais vous êtes en train de nous dire que toutes les sondes qui précédemment ont mesuré des champs magnétiques se sont plantées du coup? Peut-être qu'il y avait de ça. Ah bon. Bon, c'est pas inutile d'y retourner. C'est pas inutile. Donc les chercheurs sont assurés d'avoir des mesures précises avec cette sonde et celles-ci bien sûr n'auront de sens que dans la durée. C'est pour cela que je vous disais que les premières mesures ne nous disaient pas grand-chose. C'est juste le début de la mission. Alors quel est le but de la mission exactement? Le but c'est d'établir une météo solaire comme on le fait fait pour la météo sur Terre. Alors la météo solaire, c'est la compréhension et la prévision des phénomènes qui se passent à la surface de notre étoile, à quelques 150 millions de kilomètres de nous. Alors le Soleil éjecte en permanence un flux de particules, ce sont des protons, des électrons, qui forment ce qu'on appelle le vent solaire. Eh bien, figurez-vous que ce vent, dont on connaît l'existence depuis des décennies, on n'en comprend pas toujours très bien le fonctionnement, ni comment il se propage dans l'espace. Donc, pendant au moins 4 ans, Solar Orbiter va faire toute une batterie de mesures, dont des observations de la surface du Soleil, pour ébaucher cette météo spatiale. La sonde va s'approcher à un peu plus du quart de la distance qui nous sépare du Soleil. Elle va sortir du plan dans lequel la Terre décrit son orbite et procurer aussi les premières vues des pôles du Soleil. C'est une région qu'on ne connaît pas. Évidemment, il va y avoir aussi des observations de ce qu'on appelle les éruptions solaires. Ce sont des éjections soudaines et massives de particules qui surviennent lorsque de la matière est arrachée à la surface. Ces particules vont plus vite que le vent solaire et créent une sorte de vague. Pour l'instant, on ne sait pas comment elles se comportent et on ne sait pas bien les prévoir. Et ça, c'est important. Hein. Pourquoi ça nous intéresse ? Ça nous intéresse parce que ces émissions, régulières ou éruptives, en provenance du Soleil, ont potentiellement une incidence importante sur notre vie. Cela est devenu d'autant plus vrai dans un monde qui dépend beaucoup des satellites et des systèmes électroniques. Regardez, en 1859, il n'y avait pas tout cela, évidemment. Cette année-là, au cours de l'été, il y a eu une série de très grosses éruptions solaires qui ont frappé la Terre et qui sont arrivées jusqu'à la Terre. Les télécommunications à l'époque, qui se faisaient par télégraphe, ont été très perturbés par l'arrivée massive de particules chargées. Et il y a même des télégraphistes qui ont reçu des décharges électriques, des stations qui ont connu des départs d'incendie. En 1989, plus près de nous, nouvelle tempête solaire, blackout électrique total au Québec. Donc si un tel épisode se reproduisait, il mettrait hors service sans doute nombre de satellites, on pense par exemple au GPS qui nous sert beaucoup, et perturberait, voire détruirait beaucoup d'appareils électroniques et les réseaux électriques. Donc la météo solaire nous intéresse tous, et c'est pour cela que les agences spatiales, l'ESA et la NASA, coordonnent leurs efforts pour étudier ce domaine. En 2018, la NASA a lancé une autre sonde, Parker Solar Probe, qui doit s'approcher à moins de 6 millions de kilomètres du Soleil pour prélever ces fameuses particules solaires plus près de lui. Et les deux missions échangent évidemment leurs données pour avoir une vue d'ensemble et peut-être enfin prédire les colères du Soleil. Tout cela est expliqué en détail dans Le Ciel et l'Espace, qui consacre un dossier de 20 pages à l'influence réelle du Soleil sur la Terre. Absolument. Dans le reste de l'actualité scientifique, on vient de découvrir, Mathieu Novak, que le diabète pourrait avoir un lien avec notre microbiote. Ouais, on va de surprise en surprise avec ce microbiote intestinal. Je vous rappelle ce que c'est l'ensemble des microbes qui sont dans les intestins et qui nous aident à digérer. Alors là, on a découvert cette semaine que ce microbiote produirait une molécule, qui a un nom savant de 4-crésol, qui stimulerait la croissance des cellules du pancréas, celles même qui sont chargées de produire l'insuline. Or, c'est justement cette production d'insuline qui est perturbée chez les diabétiques et qui doit être compensée par des injections. Alors comment on l'a découvert? C'est les chercheurs de l'INSERM. Ils ont pris des échantillons sanguins et ils ont cherché des molécules qui étaient présentes en moins grand nombre chez les diabétiques. Ils ont isolé un certain nombre de molécules, dont celle-là. Ils l'ont isolée, ils l'ont injectée à des rongeurs diabétiques et ils ont vu que cette injection leur permettait d'aller mieux. Alors on retrouve cette molécule dans différents aliments comme les produits laitiers, les tomates, les asperges, le café. Mais l'idée, c'est pas de faire changer le régime alimentaire des diabétiques, c'est de réussir à terme à modifier leur microbiote pour qu'il y ait davantage de ces bonnes bactéries qui produisent cette molécule qui stimule le pancréas. Et pas forcément de mettre au point un nouveau médicaments. Il s'agit vraiment de changer la flore intestinale. Oui, il s'agit de la changer. Alors, soit en leur faisant ingérer des bonnes bactéries, soit il y a des histoires de transplantation de bactéries directement dans les intestins, soit par le régime alimentaire, on peut aussi influer. Mais ça reste expérimental. Philippe Hénarejos, des nouvelles toutes fraîches de l'étoile Bételgeuse dont vous nous aviez parlé il n'y a pas longtemps. Oui, vous savez, tout le monde est suspendu au comportement de Bételgeuse. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive? Rappelez-nous ce qui lui arrive. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel, qui se trouve à presque 700 années-lumière, mais fin de 2019, elle a brusquement perdu 64% de son éclat, de 9e étoile la plus brillante du ciel. Elle a dégringolé à la 24e place. Alors les astronomes européens, avec le VLET, le Very Large Telescope, l'ont photographiée en décembre dernier et leur image montre que l'étoile, qui apparaît comme un disque sur leur cliché, est à moitié voilée. Alors comme s'il y avait une gigantesque tache sombre qui occupait toute sa moitié sud. Alors l'origine de cet assombrissement est toujours aujourd'hui en discussion. Deux hypothèses restent en lice. Soit une partie de l'étoile s'est refroidie, refroidit, donc elle brille moins. Soit l'étoile a éjecté dans notre direction une bouffée de gaz qui s'est condensée en poussière et qui bloque une partie de son éclat, une mini-éclipse en quelque sorte. Une sorte de filtre qui s'est installé entre nous et cette étoile. Absolument. Alors, ce que je voulais vous dire, les dernières nouvelles, puisqu'on attend. Eh bien, depuis le 15 février, les observateurs qui l'observent toutes les nuits, toutes les heures, constatent que l'éclat de Bételgeuse a amorcé une remontée. Celle-ci semble se confirmer de jour en jour. Donc, si vous voulez voir Bételgeuse dans un état d'affaiblissement que nul n'a jamais observé, sortez ce soir, regardez la constellation d'Orion, car il est possible, alors pas certain quand même, que dans les prochaines semaines, tout redevienne comme avant. Ça va plutôt dans l'hypothèse d'un nuage qui est en train de se dissiper alors. Les deux hypothèses, parce que le refroidissement, ça pourrait être dû à des cycles de l'étoile aussi, donc voilà. À lire dans vos journaux respectifs, Mathieu Novak, dans Science et Avenir. Les derniers jours pour acheter notre numéro avec la couverture sur les solutions pour le mal de dos, dans lequel il y a un très bel article sur le monde fabuleux des vers de terre. Voilà, mal de dos et vers de terre, donc dans Science et Avenir et Philippe Hénard. Alors lui, on consacre beaucoup de pages au soleil, mais il n'y a pas que le soleil, il y a aussi la Lune. Et la Lune, c'est la cible de l'exploration pour les Chinois. Et donc, nous décrivons les prochaines missions à venir sur l'astre des nuits. Ça commence à la fin de cette année, d'ailleurs. Merci à tous les deux et à très bientôt, j'espère. En deuxième heure, nous allons plonger en eau profonde au large des archipels polynésiens à la découverte des coraux avec la biologiste Laetitia Edouin et le responsable des expéditions Under the Pole, Guylain Bardou. Découpe. Marcia Baila, Derita Mitsuko dans Du vent dans les synapses, avec à la technique aujourd'hui Serge Viguier, Ludovic Asselot. Juste après le flash, les coraux de Polynésie. À tout de suite.